Moi, je me disais, il fallait que je me détache de certaines choses. Et chaque fois qu'un boss venait à la maison, nous exhortait, je disais que vraiment, parce que quand tu prêches la parole, c'est bien. Mais je crois que j'ai un problème. Je ne sais pas s'il faut se me délivrer. Parce que l'idolâtrie et moi, c'est un sérieux problème. Je disais tout ça. Il me disait souvent, c'est vrai, c'est pas facile. Tu n'aimes pas non plus l'apôtre Paul pour changer du jour au lendemain. Mais prie, Dieu va t'aider. Je disais vraiment, il ne veut pas te mentir. Moi, tout à l'heure, j'expliquais ça à ma soeur grâce. Moi, frère, je dis, ma vie n'a pas été facile. Ma vie n'a pas été, comment dire, normale comme toute jeune fille qui se marie, qui se grandit, elle se marie sans problème. Parce que moi, je ne vais pas te mentir. Je me suis mariée très jeune, mais je n'ai pas fait les enfants tôt. Du coup, je me suis retrouvée, je suis laissée. Aller chercher les enfants quelque part d'autre. Voilà. Comme si c'était eux qui donnaient les enfants. Justement, j'avais souvent l'habitude de dire aux gens, ne jugez pas les gens, papa, là, ils vont. Parce que quand Dieu viendra me juger, c'est pas papa, là, on va. Et là, tu essaies de te consoler. Exactement, ça fait que j'essaie de me consoler, de dire machin. Parce que même quand le frère Boussinamzon nous dit, vous connaissez les têtes, toutes les églises dont tu citais là. Quand ça s'appelait les supprimer, moi, ça ne me surprenait pas. Quand il parlait des cellules, machin, moi, je disais honnêtement, c'est un chanatien qui mange sans chaussures. Il a dit que moi, je le connais parce que je ne veux pas te mentir. Moi, j'ai persévéré là-bas pendant 2 ans. Avec Stémie Céleste, Oui. on t'a donné ta part d'œuf. Non. J'avais juste cousu parce qu'il disait qu'il amenait pour s'habiller en blanc, une robe blanche, pour que on voit ta tenue, comment c'est déviant, tout ça. C'est ce qu'on disait. Je disais, avec toutes ces églises-là, je ne veux pas te mentir, frère Bouzi, moi, je suis allée là-bas. Tout simplement parce que tu cherchais l'enfant. Voilà. Tu vois, le frère, genre, frère Junior, tu es tellement désespéré. Quand tu regardes ton passé, c'est vrai que je n'étais pas parfaite. Mais quand tu regardes ton passé par rapport à d'autres personnes, tu te dis que, mais, je n'ai pas fait d'avortement. Je n'ai jamais sorti le mari d'autrui. Je n'allais pas en boîte de nuit. J'étais toujours la fille. Quand je vais, Calme, voilà, posé. quand j'ai fini mon cours, je rentre chez nous, je lis mes UV. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, du coup, j'étais très très pessimisé à un moment donné. Quand on disait va ici, va là-bas, maintenant quand je suis allée chez les Célestes, ils ont fait, bon, c'est que, après je appelle ça les incantations, on a fait les trucs, les prières, il faut jeûner, il faut acheter l'huile de ceci, l'huile de grâce, il faut acheter ceci, cela, on a tout fait. Ils ont dit non, 6 mois, ça va donner, mais pas, je dis pas la grâce de Dieu parce que Dieu doit enfin. Quand j'ai conçu, j'ai dit waouh, ces gens-ci Fort. sont forts. J'ai conçu ma fille, c'est vrai qu'à des nuits, comme c'était mon premier enfant qui venait à terre, puis avant ça avait fait 2 fausses couches. Chaque fois, quand l'enfant a atteint 6 mois, en fait, j'ai senti le bébé bouger dans mon ventre. C'était comme si, mais je voyais jusqu'à, enfin, moi aussi, je vais. Porter l'enfant. Voilà. Maintenant, la veille de l'accouchement, comme tout parent babriqué, la mère de la panière commence à toucher les bras. Est-ce que la fille va même bien accoucher? On lui dit non, ta fille là, en accouchant, si elle accouche, ton mère va mourir, machin, tu sais, c'est là. Du coup, encore la panique. On rentre accoucher Céleste. Commence à faire les prières. À 3 le matin, il faut prier, il faut jeûner sans manger. C'était un tas de trucs. Non. À la veille de l'accouchement, ils ont dit que non, vas-y, au moment de l'accouchement, on va t'assister. Au point où même, ah, vraiment, quand je regarde les trucs que je faisais, au point même quand on allait au bloc, il fallait appeler le. Parce que là-bas, ils appellent celui qui entretient les Le gens. surveillant. Oui, le chargé. Donc, comme le prêtre catholique, là-bas, on dit chargé. Il fallait appeler le chargé pour ce chargé qui dit qu'est-ce qu'il faut t'opérer, machin. On l'opère. Quand on m'a opéré, il a dit non, ça va bien se passer. Mais là, je passais. Quand j'ai accouché, j'étais tellement contente. Après, mais je me suis rendu compte que c'était devenu comme une histoire de business. C'est vrai que mon époux n'a pas assez d'argent, mais il avait le minimum, quoi. C'est vrai qu'on n'arrivait Et pas. là, tu partais en fait en compagnie, ton époux était au courant de tout cela. Oui, en fait. En tant qu'il était catholique. Non, en fait, moi, Tu vous êtes frère. marié dans l'église catholique, Oui. mais dans son église, il est de souche catholique, de famille Oui, catholique. oui, Mais il oui. cherchait quoi dans les célestes? En fait, c'est. C'est toi qui l'as entraîné. Justement. Tu l'as Non, convaincu je par tes vais dire paroles. lui et moi. Oui, vous vous êtes entendu quoi? Ok, allons-y. C'était un peu ça. On allait là-bas. En fait, mais je m'étais rendu qu'à un moment donné, c'était devenu comme une histoire de business. En fait, comment que tu veux parler? Je ne sais pas si je veux dire ça comme ça. Parce que chaque fois, c'était non, il faut faire ceci, Faut faire des sacrifices. l'action de grâce, il faut faire ceci. Mais j'avais l'impression que je me sentais

que l'être sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser que l'être sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu. Que l'être sort. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie. Que l'être sort. J'étais rosicrucien. On m'a dit que Jésus, tu étais maître rosicrucien. Era Fomboutoukou, Nadame Fondosé. Que l'être sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet, pour diriger mes créatures, tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens et de leur sort. Assez Yudo, Dina, disent se souvenir, Raon, finish. Il donne un bat de fire, de water for you et ma commune. Go, Mimo, you drink, tobacco, you jump, woman, na you, fe na you et que l'être sort. Angelo, ma jolie, un angelé, aux accueils, on ne veille sous ses nains, de mon gaïe, oh mama. Pardon, pardon, papa, et mon volet.